Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Notre-Dame de Paris, le spectacle de Luc Plamondon et Richard Cochiante. Est-ce que ça va durer aussi longtemps que Starmania? 20 ans et plus. Ah, je pense qu'il y a des musées qui vont durer longtemps parce qu'ils sont complètement dehors du temps, ce qui va permettre un spectacle comme ça de vivre très, très longtemps. Peut-être même plus longtemps que Starmania. La comparaison est inévitable entre ces deux spectacles, Starmania et Notre-Dame de Paris, dont les paroles des chansons ont été écrites, bien sûr, dans les deux cas par Luc Plamondon. Et le temps va donner raison au chanteur Daniel Lavoie qu'on entendait répondre au journaliste Jacques Bissonnet en décembre 1998, trois mois seulement après la grande première du spectacle à Paris. Notre-Dame de Paris n'a de fait jamais cessé d'être présentée quelque part dans le monde depuis sa création en septembre 1998. Une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes. Quand Luc m'a offert ça, pour moi, j'ai tout de suite dit oui. En fait, il m'avait proposé autre chose, un autre opéra qui me tentait pas. Et bizarrement, il n'osait pas me proposer Notre-Dame puisque c'est un sujet classique. Et il s'est dit, il ne voudra jamais faire un sujet classique. Et en fait, je dis, ah, c'est un sujet qui me passionne. J'ai vu ça comme un drame grec, une tragédie grecque où les personnages devraient porter leur destinée, chacun, et je voulais pas avoir d'artifice trop autour. J'avais envie, en fait, de me sortir de Starmania puis d'aller aux antipodes. J'ai choisi un sujet qui se passe au Moyen-Âge. Je me suis dit, le Moyen-Âge, c'est un monde assez intemporel. Et j'avais envie d'être très près de Victor Hugo. Mais en allant à l'essence de Victor Hugo, je me suis rendu compte de la raison pour laquelle son histoire était intemporelle. Le disque nous a permis de comprendre que ça pouvait être quelque chose de grand public. C'est-à-dire que les gens ont l'impression d'aimer ce qu'ils entendent. Les bateaux sont partis déjà sur l'océan. Parce que je pense que c'est vraiment la chose la plus importante là, que j'ai écrite, parce que moi je peux vous dire que c'est écrit, on a 2h30 d'écrit, paroles et musique chantées, les musiques de Richard Cochiante sont somptueuses, et je pense que la mise en scène de Gilles Maheu va être très étonnante. Ben oui, Gilles Maheu de... Ça ne sera pas un Notre-Dame de Paris historique, ça va être aussi moderne que Starmania. Il est foutu le temps des cathédrales. Petit montage de l'émission Les Beaux Dimanches du 14 juillet 2001 dans lequel vous entendiez le metteur en scène Gilles Maheu, le parolier Luc Plamondon et le compositeur Richard Cochiante, suivi d'un extrait de l'émission Bonjour chez vous de septembre 1997 où on entendait à nouveau Luc Plamondon pour nous raconter l'extraordinaire aventure du spectacle Notre-Dame de Paris. J'accueille la journaliste culturelle Marie-Christine Blais. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Jacques. Comment, on y revient, on ne peut pas y échapper, comment se comparent ces deux spectacles? On l'entendait au tout début de l'émission, Daniel Lavoie lui-même les comparer oui, d'instinct. Fait référence, oui. Notre-Dame de Paris et Starmania, comment ils se comparent? C'est intéressant d'avoir choisi la fin du temps des cathédrales. La fin du monde est pour l'an 2000. Starmania, il se passe en l'an 2000. Ouais. Finalement, c'est vraiment l'isolement contemporain dans un monde où tout nous échappe. Par la nature même du texte, du livret, il ne se compare pas, justement, ouais. Parce que Notre-Dame de Paris parle de quelque chose qui a eu lieu, qui existe, qui est le Moyen-Âge, qui est le clivage entre les pauvres et les riches, qui est la... Ça traque à un monument de la littérature, à de grands personnages. Et à une époque où, justement, le monde est en train de changer. Oui. Toute la beauté du roman de Victor Hugo et de la comédie musicale, c'est de nous rappeler que la religion, en raison de la littérature, en raison de la présence de l'imprimerie, va changer l'importance de la religion et de la foi. Ouais. À partir de là, tout va changer. Et alors donc, que Starmania nous projetait dans un univers futuriste. Assez glauque aussi, ouais. et où la solitude est vraiment la réalité de tout le monde. Alors ouais. que dans Notre-Dame de Paris, c'est plutôt le groupe qui importe. Il y a des gens, il y a des exclus, il y a des riches, c'est des tribus qui se protègent les uns les autres. Chose certaine, les deux spectacles sont importants et ont mérité tous les deux Une émission à Aujourd'hui l'Histoire. Mais c'est, non, mais sérieusement, c'est deux spectacles qui se démarquent dans l'histoire de la chanson française. Parlons un petit peu quand même de cette aventure de Notre-Dame de Paris, mais l'aventure Plamondon-Cochiante, ça commence quand et comment cette aventure-là? Eh bien, déjà, il y a eu donc le succès Starmania. En 90, ça n'a pas très bien marché pour Plamondon 90-92 avec La Légende de Jimmy, qui est un échec. Il cherche un autre sujet. Ouais. On est en 93, il cherche, il prend le roman de Victor Hugo. Il faut se rappeler que Les Misérables de Victor Hugo ont aussi donné naissance à une grande comédie musicale. Victor Hugo est un très bon librettiste, semble-t-il, de comédie musicale. Et quoi qu'il en soit, il décide donc, hein, pourquoi pas, Notre-Dame de Paris. Et là, il se rend compte qu'il y a très, très peu de dialogue dans Notre-Dame de Paris. Donc, et beaucoup d'apartés, c'est-à-dire les personnages se parlent. Ouais. Donc, ça, c'est de la matière pour faire des chansons. Parce qu'il peut avoir chaque personnage qui se parle, qui raconte son point de vue. Et à partir de là, il se rend compte aussi que, simplement en lisant, il annote les marges, il a à peu près 30 chansons possibles. C'est énorme. Ouais. 30 chansons, c'est vraiment beaucoup. Alors, il contacte Cochiante, avec qui il a eu énormément de succès au fil des années. Qu'on se rappelle que tous les deux ont écrit « Question de feeling », « L'amour existe encore »,« je t'oublierai ». Formule gagnante. Formule gagnante. Ils ont tous les deux vraiment des forces. Ouais. Et ils décident donc de s'attaquer à ça. Et il va y avoir quelques années d'aller-retour. Ça se passe à Paris, à Rome, à Montréal. Pendant 5 ans. Et puis, il y aura ce coup de génie, en fait, de donner une actualité tellement forte à ce vieux classique de Victor Hugo. Et ça va passer, entre autres, par cette chanson, mais qui est plus qu'une chanson, qui est une idée très, très forte. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile, au Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des banlieues, aux portes de la ville, et la ville est dans l'île de la cité. Le monde va changer et va se mélanger et nous irons jouer dans l'île. Nous sommes des étrangers. Ce génial filon des sans-papiers, Marie-Christine Blais, quand est-ce qu'il arrive dans la tête de Luc Plamondon? Il arrive à un moment triste dans l'histoire. Dans la comédie musicale, c'est la troisième pièce. Hein? Ça frappe très, très fort au début. En 96, dans l'église de Saint-Bernard-de-la-Chapelle, il y a des exclus, des sans-papiers, des étrangers. C'est comme ça qu'on en parle dans les journaux. Ils sont à peu près 210, hommes, femmes, enfants. Ils se réfugient donc dans le 18e arrondissement, dans l'église du 18e arrondissement. Et une nuit, j'ai noté les chiffres parce que ça vaut la peine. Une nuit, il y a 525 gardes, 500 policiers et 480 CRS qui rentrent dans l'église. Le droit d'asile sacré de l'église vient d'être piétiné à coups de béliers et de merlins. Les merlins, c'est des grosses haches avec lesquelles on détruit le bois, comme au Moyen Âge. Hein. Ça fait image. Et là, Plamondon a le flash. Ben, le lien entre... Quand Victor Hugo parle vraiment longuement des exclus, ça fait vraiment partie du roman, là. C'est pas un hasard. Là. Et il se rend compte encore aujourd'hui, à certains égards, on est au Moyen Âge. Ouais. Et donc, il se rend compte, je ne sais pas dans quelle mesure ça va influencer son écriture ou pas, mais en tout cas, il se rend compte qu'il a un filon, que ce spectacle-là, qui tient sa racine du classique de Victor Hugo, a une résonance actuelle extraordinaire. Mm-hmm. Et il faut le dire, pour ceux qui se souviennent, qui ont vu le spectacle, que Gilles Maheu, la chorégraphie, les moments chorégraphiés, dansés, et la mise en scène va rendre encore plus fort cet impact-là. Surtout qu'il y a très peu de décors. Enfin, il y a un décor très, très, très majestueux, mais ce qu'il utilise, Maheu, pour ce moment-là, c'est des clôtures de métal, c'est des palettes de bois, c'est des fûts de métal comme on a aujourd'hui encore. Ouais. Donc, c'est là que le caractère contemporain les exclus d'aujourd'hui. Exactement, très pertinent, apparaît à nos yeux. Ouais. Il est présenté, ce spectacle, finalement, Notre-Dame de Paris, en grande première au Palais des Congrès de Paris, le 16 septembre 1998. J'ai eu un grand plaisir, doublé d'une grande surprise, c'est-à-dire que, peu à peu, j'ai embarqué dans l'histoire et j'ai versé ma larme. Vous? Marie-France, vous? J'ai versé une larme. Il y a plus cynique que moi sur Terre et il s'appelle Jean Barbe. Oui, mais parfois le cynique en moi se tait, et j'aime bien quand il se tait et qu'il se laisse prendre. Et je me suis laissé prendre. Et ce sont des moments pour moi qui sont toujours exceptionnels. Me laisser prendre, ça ne m'arrive pas souvent. En plusieurs années de journalisme culturel, ça ne m'est pas arrivé souvent. Ça m'est arrivé hier soir, alors que je connaissais tout par cœur. Sur la chanson « Danse mon Esmeralda », on entendait l'auteur Jean Barbe, à l'époque journaliste culturel, répondre aux questions de Marie-France Bazot à l'émission Indicatif présente du 17 septembre 1998, le lendemain de la première de Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès de Paris. Comment sera reçu ce spectacle au moment de sa sortie, Marie-Christine Blais? C'est un succès populaire indéniable, succès critique mitigé, comme d'habitude. Ouais. Il faut bien le dire. Les la critique est dure à Paris. Oui, elle est dure en général. Hein? Ouais. À Paris, pour plaire à Paris, c'est difficile. Ouais. Mais même les critiques les plus sévères disent « ça chante bien ouais. ». Et puis, il faut bien le dire aussi, quand on regarde le roman de Victor Hugo et les textes de Plamondon, la qualité des textes de Plamondon est particulière. Il y a quand même des phrases comme... J'en ai noté, juste pour vous donner un exemple. Il y a un moment donné, il parle « cette fille de rien qui soudain porte la croix du genre humain ». Donc, il y a une beauté, il y a un caractère lyrique dans le texte et dans la musique ouais. qu'on n'entend pas souvent, c'est vrai. Donc, la critique... Quand ça arrive au Québec, la beauté de la chose, parce que là, ça a été un succès, là, il y a eu des millions de gens qui ont vu ça en France, c'est que nous, on le voit après 200 représentations, le show est rodé au quart de tour. Et ça, on n'a pas souvent ça. Le show, quand il arrive ici, il est prêt, il est mûr. Et pour avoir assisté à la première, j'ai encore un souvenir, mais vraiment inoubliable, du sentiment de fierté qui m'a envahi. Et on voyait les gens sur scène et nous dans la salle, ils étaient chez eux. Un spectacle qui s'est démarqué, qui a vraiment fait histoire. Tout à fait. Et dont on se souvient, tous ceux qui l'avons vu des années plus tard. Évidemment, derrière la qualité de ce spectacle, l'immense succès qu'il va connaître, des chansons, et parmi ces chansons, celle-ci. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Elle. Les chansons de Notre-Dame de Paris vont être importantes dans le succès choral de spectacle Marie-Christine Blais. Et la chanson qu'on vient d'entendre, Belle, c'est la chanson derrière le succès. C'est la chanson locomotive. Tout à fait. Et pourtant, ce n'était pas la locomotive prévue. Au départ, il y a une chanson qui est tirée de la trame sonore. Neuf mois, le disque est tiré et lancé, excusez-moi, à Cannes. Presque un an avant les représentations. Même truc qu'ils avaient fait pour Starmania. Exactement. Et donc, c'est Noah, qui est une Israélienne, qui chante à l'époque « Vivre ». Et puis ça marche, mais bon, pas plus que ça. En fait, la vente va pas très bien. Les billets, ça va pas très bien. Et Charles Tallard, qui est le producteur du spectacle, commence à s'énerver un peu parce que j'ai calculé en dollars d'aujourd'hui, il met 10 millions dans l'affaire. Ouais. C'est du cash, ça, madame. Alors, il faudrait que ça marche. On est à un mois et demi à peu près de la première représentation. Ça vend pas beaucoup. Et là, passe à la télévision, Daniel Lavoie, Garou et Patrick Fiori qui chantent Belle. Et le lendemain... Bang! Les ventes de disques se mettent à atteindre les sommets. Ils sont en rupture de stock, hein, par moment. Et la vente des billets part. Et grâce à Belle, ça y est. Ça décolle. Ouais. Chanson inspirée d'une part d'une chanson que Cochent avait écrite avec le mot « time ». Time. Et le souvenir qu'a Plamondon du film de Jean Delaunay en 56, où le personnage de Quasimodo, qui est joué par Anthony Quinn, dit « Belle ». Ouais. Belle. Un beau clin d'œil. Voilà. Ouais. C'est parti donc avec Belle. Plamondon, probablement qu'il ne savait pas que ce serait celle-là, mais il l'a dit plus tard. Derrière chaque comédie musicale qui a un immense succès, Cats, Evita, il y a une chanson. Ce sera Belle pour Notre-Dame de Paris. Évidemment, derrière ces chansons-là, de très grands interprètes. Mes 14 printemps sont à toi, ce collier de diamants est pour moi, les mots de tes serments, si tu mens, je n'y croirai pas. Ton cœur de jouvencelle est à moi, tes yeux de tourterelle sont pour moi, les étoiles étincelles dans le ciel, moins que ces diamants-là. Celui que mon cœur aime. Lorsque je regarde les interprètes, d'abord on les a choisis pour qu'on soit content, qu'ils les présentent. Ils ont, on a un casting formidable, on est très content. Et je trouve qu'ils donnent bien la chanson, ils l'ont recréée. Et lorsque je les vois, ça me fait plaisir. Ouais. Est-ce que vous donnez des directives? Ah, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que je les ai fait chanter et que j'ai un style bien précis. J'aime que les mélodies soient nettes, sans trop de fioritures. Donc je leur ai dit ça. Je leur ai demandé de chanter d'une manière très sobre. Ouais. Et je pense qu'on a obtenu ça. Ne cherche plus l'amour, il est là pour toujours, je le crois. Ce sera un beau jour que le jour où l'on se mariera. Ce sera un beau jour que le jour où l'on se mariera. Où l'on se mariera. Ces diamants-là, interprétés par Julie Zenati et Patrick Fiori, on entendait dans cet extrait le compositeur Richard Cochiante à l'émission Christiane Charette en direct en février 98. La première distribution de Notre-Dame de Paris, Marie-Christine Blais, aujourd'hui encore, elle nous laisse complètement pantois. Oh oui, c'est encore l'étalon. Donc, avec Garou qu'on découvre, on ne sait même pas qui est Garou à l'époque, et qui fait un Quasimodo qui requiert énormément de technique. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a une espèce de costume, il chante toujours plié. Et il doit chanter avec une grande puissance à travers ce costume et tout ça. Défi technique. Bruno Pelletier, en préparant l'émission, j'entendais un autre extrait qu'on n'a pas le temps d'entendre, mais qui disait, on s'est tous dit à un moment donné, ouf, comment on va y arriver? Ah oui. Mais ils ont d'ailleurs choisi des voix très puissantes, et Plamondon et Cochiante. Ils choisissent ensemble les interprètes année après année. Hein, quand il y a de nouvelles distributions, tous les deux en écoutent et choisissent. Et ce qui est intéressant dans l'extrait de Cochiante, il parle de la sobriété. Oui. C'est celle que Maheu décide aussi d'avoir pour que les chansons, justement, aient toute leur place. Ce ne sont pas des chanteurs d'opéra ni des chanteurs de Broadway qui sont là. Ce sont de grands chanteurs populaires. Et il y a un moment, d'ailleurs, j'ai vu dans un reportage Gilles Maheu diriger, par exemple, Hélène Ségara, qui fait Esmeralda, et qui est un peu timide, et il danse comme devrait danser une bohémienne. C'est fabuleux. Pendant une seconde, je vous le jure, Gilles Maheu a l'air d'une bohémienne. Ouais. Je ne fais même pas une farce. Ils sont dirigés, la moindre syllabe est importante. Et cette distribution-là, on parlait de critiques qui ont été un peu plus sévères, critiques françaises à la sortie du spectacle. S'il y a un point sur lequel tout le monde est unanime, c'est la distribution, de la première distribution de Notre-Dame de Paris. Ce spectacle-là va faire le tour du monde. Oui. En fait, je le disais au début, Marie-Christine, mais on parle de reprise du spectacle, mais jamais le spectacle n'aura cessé d'être présenté quelque part sur la planète. Exactement. Alors, que ce soit dans la francophonie, bien sûr, que ce soit en Corée, en fait, en Asie, il a été présenté longtemps en anglais et en français, et puis à un moment donné, en Corée, il a tellement de succès qu'il y a une version coréenne carrément. En Russie, version russe. En Pologne, Pologne, c'est un culte, hein? C'est hallucinant. Il y a une version polonaise. Il y a bien sûr une version espagnole qui marche beaucoup. Celle qui se compare, je pense, le plus en termes d'impact à la francophone, c'est l'italienne. Ouais. Pour vous donner une idée, en 2002, quand le spectacle donc débute en Italie, l'adaptation du texte est de Pasquale Panella. On construit un théâtre, le Gran Teatro di Roma, 3000 places, un peu plus même. Il est construit pour Notre-Dame de Paris, qui va être là 10 ans de temps. Ouais. Quand en 2016-2017, il y a une nouvelle tournée, rebelote. Je pense que c'est 2 millions de spectateurs pendant 285 représentations. L'importance, on termine là-dessus, mais comment qualifier cet objet-là en termes d'importance dans l'histoire de la chanson française? Quelle importance il a eu? Dans la chanson française, énorme. Dans la chanson anglophone, je pense que Plamondon en convient lui-même, ça n'a pas été le succès qu'ils espéraient. Ouais. Ni à Las Vegas, ni en Angleterre, ça marche, mais pas tellement. C'est dommage pour eux. Mais ça reste dans la francophonie et, je vous dirais, ailleurs dans le monde, justement, à part dans les pays anglo-saxons, une référence absolue. Par les mélodies, on est tous capables de faire de l'expression corporelle quand on écoute les chansons de Notre-Dame de Paris. On a tous le goût, en tout cas, de le faire. Et puis, ça parle aussi de thèmes très, très contemporains. Donc, l'exclusion, par exemple, l'intimidation, le pouvoir, la religion. Ce n'est pas pour rien que Plamondon, ancien Canadien français devenu québécois, s'intéresse à ça. La présence de la religion comme, comment dire, comme ferment de problèmes et de mal, c'est pas mal Notre-Dame de Paris résumé. Donc des thèmes qui parlent, qui sont universels. Encore aujourd'hui. De grandes mélodies. De très grandes mélodies. Parce qu'il faut quoi? De grands interprètes. Et puis une invitée formidable pour nous parler de tout ça. Marie-Christine Blais, amie de l'émission, journaliste culturelle. Merci beaucoup. Merci Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et Marie Caillé. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Christian Côté et Philippe Couture. À la technique aujourd'hui, Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Dieu, que le monde est injuste, notre lot n'est pas le leur. Nous n'avons pas de fortune, mais eux ont-ils donc un cœur? Ils sont nés dans la dentelle pour faire l'amour et la guerre.